Excellent choix. Le chapitre sur les tensions Sonko-Diomé est crucial, car il touche à l'actualité la plus récente et aux dynamiques de pouvoir au sein de la nouvelle gouvernance. Nous allons structurer un chapitre complet sur ce sujet, en intégrant toutes les informations pertinentes de votre synthèse. L'objectif sera de présenter la chronologie, les acteurs, les points de discorde et les enjeux de cette crise. DSDSDS structure détaillée du chapitre, tension au sommet de l'État, Sonko vs Diomé Faye, novembre 2025. Astérisque astérisque titre du chapitre, astérisque astérisque les échos de la rupture, tension au sommet de l'État, novembre 2025. Astérisque, sous-titre possible, quand le tandem vacille, la crise Sonko-Diomé, astérisque. Astérisque astérisque introduction du chapitre, astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque accroche, astérisque astérisque rappeler le succès historique du tandem Sonko-Diomé Faye en mars 2024 et la victoire aux législatives de novembre 2024, symbole d'une révolution par les urnes. Astérisque astérisque astérisque problématique, astérisque astérisque introduire la notion d'une fracture inattendue au sommet de l'État, posant la question de l'origine et des implications de cette crise. Astérisque astérisque astérisque annonce du plan du chapitre, astérisque astérisque présenter les points clés qui seront abordés, l'étincelle de la rupture, la réaction des acteurs, les enjeux. Astérisque astérisque I. La genèse des tensions, les signes précurseurs d'une fracture astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. Le contexte post-victoire et les attentes astérisque astérisque. Astérisque rappel de la complémentarité initiale du tandem et du projet PASTEF porté par les deux hommes. Astérisque les attentes fortes des militants et de la diaspora pour la mise en œuvre des réformes. Astérisque astérisque astérisque B. Le point de cristallisation, la nomination d'Aminata Touré astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque nomination d'Aminata Touré à la tête de la coalition et Diomé président en novembre 2025. Astérisque astérisque astérisque analyse, astérisque astérisque décision destinée à structurer un mouvement politique autonome autour de Diomé. Astérisque astérisque astérisque interprétation, astérisque astérisque perçu comme une marginalisation du PASTEF et de Sonko, provoquant une rupture visible entre Sonko et Diomé Faye. Astérisque astérisque 2. Les manifestations de la crise, gestes, absence et réactions astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. L'absence de Sonko, un signal fort astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque Sonko a été absent à une audience accordée par Diomé Faye au bureau politique du PASTEF. Astérisque astérisque astérisque conséquence, astérisque astérisque a suscité des interrogations et des tensions au sein du parti. Astérisque astérisque astérisque analyse, astérisque astérisque aucune justification officielle n'a été donnée, alimentant les spéculations sur l'état de leur relation. Astérisque astérisque astérisque B. Les positions affichées de Sonko astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque il a réaffirmé sa détermination à rester en poste malgré les tensions, déclarant « je ne démissionnerai pas, je n'irai nulle part ». Astérisque astérisque astérisque contexte, astérisque astérisque cette déclaration est faite lors de l'installation du Conseil national du PASTEF le 10 juillet 2025. Où Sonko a également pointé des dysfonctionnements dans la gouvernance publique et appelé à une refondation nationale. Astérisque astérisque II. Le bouclier de la diaspora et la base militante astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. La diaspora, gardienne du projet initial astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque plusieurs sections du PASTEF à l'étranger, Europe, Amérique, Moyen-Orient, ont réaffirmé leur soutien à Sonko. Astérisque astérisque astérisque déclaration, astérisque astérisque le présentant comme le garant d'un projet de refondation nationale et de souveraineté africaine. Ex, bureau de PASTEF Bergamo, Italie, a appelé à se rassembler autour de lui pour assurer une victoire éclatante lors des prochaines échéances électorales, et coordination PASTEF Kuwait a déclaré être indéfectiblement rangé derrière Ousmane Sonko au point. Astérisque astérisque astérisque analyse, astérisque astérisque ce soutien massif de la diaspora souligne la perception de Sonko comme le véritable architecte idéologique du mouvement. Astérisque astérisque astérisque B. La mobilisation interne et les appels à l'unité astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque la base militante du PASTEF se mobilise en soutien à Sonko. Astérisque astérisque astérisque nuance, astérisque astérisque malgré les tensions, certains cadres du PASTEF appellent à la retenue et à la préservation de la cohésion, soulignant que, l'union de ce tandem est étroitement liée avec la stabilité du pays. Astérisque astérisque 4. Enjeu et perspective de la crise astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. La stabilité politique du Sénégal menacée, astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque analyse, astérisque astérisque la crise entre Sonko et Diomé Faye risque de fragiliser la stabilité politique du Sénégal. Astérisque astérisque astérisque raison, astérisque astérisque forte mobilisation des militants et de la diaspora autour de Sonko. Astérisque astérisque astérisque B, impact sur la mise en œuvre des réformes astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque analyse, astérisque astérisque les tensions pourraient ralentir la mise en œuvre des réformes promises, souveraineté monétaire, gestion des ressources naturelles, etc. Point. Astérisque astérisque astérisque exemple, astérisque astérisque mention des réformes comme l'interdiction des chalutiers étrangers, déjà en place, et le débat sur le franc CFA, en discussion. Astérisque astérisque astérisque C. L'avenir du tandem et du projet PASTEF astérisque astérisque. Astérisque interrogation sur la capacité des leaders à surmonter leurs divergences. Astérisque quel impact sur l'image du parti et sur la confiance des électeurs? Astérisque les voies possibles de résolution, dialogue, arbitrage, ou approfondissement de la rupture. Astérisque astérisque conclusion du chapitre, astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque synthèse, astérisque astérisque résumé les principales causes et manifestations des tensions. Astérisque astérisque astérisque réflexion, astérisque astérisque souligner l'importance de cette crise pour l'avenir de la nouvelle gouvernance et du projet de refondation nationale au Sénégal. Astérisque astérisque astérisque ouverture, astérisque astérisque laisser le lecteur sur une question sur les conséquences à long terme de cette division pour le pays. Conseil pour la rédaction. Astérisque astérisque astérisque intégrer vos sources, astérisque astérisque n'oubliez pas de citer les médias que vous avez mentionnés, BBC Afrique, CNews, CNEweb, à chaque fois que vous utilisez une information ou une citation issue de leurs articles. Astérisque astérisque astérisque utiliser les citations directes, astérisque astérisque les phrases comme « je ne démissionnerai pas »,« je n'irai nulle part » ou « l'union de ce tandem est étroitement liée avec la stabilité du pays » sont très percutantes et doivent être utilisées comme des citations pour renforcer votre propos. Astérisque astérisque astérisque adopter une narration équilibrée, astérisque astérisque même si vous êtes engagé, présenter les faits de manière objective, décision, réaction, spéculation, avant d'analyser leur signification donnera plus de force à votre écrit. Ce plan vous offre une structure solide pour le chapitre sur les tensions Sonko-Diomé. J'espère qu'il vous sera d'une grande aide pour rédiger cette partie cruciale de votre livre.